sœur, ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Laisse surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Je peux plus supporter tous ces morts à la télé, toute cette violence qui assaille mon esprit saturé. Je te parle pas de sexe, ni de série américaine. Je te parle de tueurs de tuer et de misère quotidienne. Les gens se bouffent à tout bout de champ, je vais pas me priver de chanter. Mettre mon grain de sel dans les rouages d'une mécanique bien huilée. Je te parle de l'homme, ma sœur, t'avais dû le deviner. Prête attention à mes mots, c'est pour toi que je vais représenter. Y'a peu de nanas qui manient la K-47. Qu'ont cette manie, qu'ont les gars à actionner la gâchette. Pour cette différence, ma sœur, t'es une héroïne. Y'a peu de nanas qui dit la blanche ou la cocaïne. C'est un sang d'un autre rouge qui coule dans vos veines. Vous nos mères, vous nos sœurs, salamé, amen. Hey, wa. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Laisse surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Je cause pour le sexe faible, à qui on cause trop de tort. Les soi-disant représentants du soi-disant sexe fort. C'est beau, un ventre rond et un baiser, c'est bon. J'ai germé le romantique, le nouveau venu dans le son. Mon âme se tanne pour les dames et pour toutes les femmes man. J'ai germé la fleur bleue, le nouveau gentleman. Abonné au drame, dans les trois quarts du monde. Les femmes contre les hommes, sur le grand ring de la matron. Pourtant nos dulcinées sont la moitié du monde entier. Trop souvent opprimées par le reste de l'humanité. Est-ce qu'il en reste une parcelle aux causeurs de tort? Où sont les racines du mal, d'ailleurs qui jettent les sorts? Je cause pour les ladies, je double la mise d'un coup de dé. Mise au point obligée, t'inquiète, j'ai pas fini de rimer. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Les barbus, les moustachus, rois des ravages du temps. Oppression omniprésente, on choisit vite son camp. Les cousines victimes d'une égalité à deux vitesses. Paient les pots cassés, accumulent pleurs et stress. Les cousins persuadés qu'ils ont la clé du bien. Ça de l'eau mal sans vergogne, comme de vulgaires petits chiens. Y'a pas foule de femmes à vrai dire dans l'hémicycle. Je vois que des mecs qui braillent, qui perpétuent ce putain de cirque. Ma sœur est sous-estimée, d'ici aux confins de la terre. Ma sœur sans cesse bafouée, a du courage mon frère. Qui nous élève mon pote, toi qui déclare la guerre. On a tous mangé de la compote sur les genoux de sa mère. Mes pensées sont pour vous toutes les sisters. C'est un homme qui vous parle et qui vous souffle son cœur. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme t'obliger à rentrer dans les rangs. Ma sœur, tu dois agir maintenant. Laisse pas l'homme t'humilier pendant qu'il est encore temps. Ma sœur, tu dois bouger à présent. Et surtout pas l'homme.